pas le diable aux pieds fourchus. Boîte portée par des béquilles qu'on raconte dans les familles. Le mien a de fines chevilles. Satan ne m'est pas inconnu, mais pas le diable au corps velu. Bossu hérissé d'eau tranchant, dont on effraye les enfants. Le mien a le corps lisse et blanc. Je connais Satan, Lucifer. Pas en prière, Lucie, ma Lucie, Lucifer. Je te suivrai jusqu'en